Bill Viola est un artiste américain, vidéaliste, né à New York le 25 janvier 1951. Il est sans contexte le plus célèbre représentant de l'art vidéo depuis 1975 à aujourd'hui, mêlant tableaux en mouvement et installations monumentales occupant tout un espace, en intérieur ou en extérieur. Il fait partie de la deuxième génération des artistes vidéo. Le premier était mené par Nam June Paik. À 18 ans, il s'inscrit à l'école d'art de Syracuse Université à Syracuse, New York, où il étudie la peinture et la musique électronique. C'est là qu'il découvre la vidéo. À 20 ans, il intègre le département des études expérimentales de son université. Il est pionnier dans l'utilisation de nouveaux moyens d'expression, comme la vidéo en couleur. Il est l'un des membres fondateurs du groupe de vidéo Synapse. Bill Viola crée des œuvres intimistes dans lesquelles il représente sa famille et lui-même. La vie, la mort, le sommeil, le rêve, l'eau, le feu, le désert sont des thèmes qu'il aime traiter avec émotion et spiritualité. En 2000, Bill Viola réalise Ascension. C'est une projection vidéo en couleur sur un mur de 10 minutes. Ascension s'ouvre sur un champ d'eau sombre ponctué d'un puits de lumière provenant du soleil. Cette étendue calme est soudainement perturbée par la chute dramatique d'un homme entièrement vêtu, rompant ainsi le calme du paysage sous-marin. Il s'enfonce lentement, les bras en croix. À mi-chemin, l'homme ralentit dans sa descente, avant de s'arrêter. Son corps reste suspendu, puis remonte pour enfin disparaître dans les ténèbres, laissant place au vide bleu profond et la lumière du soleil traversant un nouveau lot. Le paysage redevint ainsi calme et paisible. Cette vidéo est un plan d'ensemble filmé au ralenti. Bill Viola dit avoir le désir de créer un espace qui soit coupé de notre situation normale. En créant une sensation de cloisonnement, Bill Viola permet d'amplifier notre perception, sinon visuelle, au moins émotionnelle, de l'œuvre. Les œuvres de Bill Viola nous plongent souvent dans l'obscurité. Elles nous isolent et imposent une forme de communication entre le spectateur et la seule source de lumière, c'est-à-dire la vidéo. Comme pour Ascension. En effet, comme l'homme dans cette vidéo, nous sommes immergés dans le champ visuel de l'artiste. Pour Viola, l'eau est un lieu pour la conscience altérée et le rêve spirituel. Ses œuvres sont souvent semblables.